Je vois je montais la délinquance aussi. C'était presque comme à Paris. C'était un jour violent, un jour où ça fut dense. Je sais pas, Battle Royale. C'est un jeu très violent, un jeu où ça fut dense. Je sais pas, Battle Royale. C'est Paris des familles, ils doivent s'entretuer. Battle Royale. Battle Royale. Julia et mon pote sont partis avec leur classe pour envoyer ce fin d'année. Mais en fait ce voyage les envoie à la casse en enfer pour l'éternité. C'est un jeu très violent, un jeu où t'as plus le temps que je sais. Battle Royale. C'est un jeu très violent, un jeu où t'as plus le temps que je sais. Battle Royale. Paris les familles, ils doivent s'entretuer. Battle Royale. Battle Royale. Écoutez-moi, c'est à cause de ça, à cause de Nobu et de gars dans son genre, que ce pays part complètement à la dérive. C'est pourquoi les plus hautes autorités ont décidé de faire passer cette loi. Battle Royale. Comptez-le maintenant. Vous allez tous vous entretuer. Un seul d'entre vous doit survivre. Et tous les coups sont permis. Ça fait marrer. Battle Royale!